salut à toute la tribu. Bienvenue dans cette 61e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. J'espère que vous passez un bon moment. On va encore passer un très bon moment ensemble. Un gros, gros programme, des nouveautés, du live, plein de bonnes choses. Je tenais à vous remercier d'avoir suivi l'émission la semaine dernière spéciale collectif L'œuvre de Pierre. Je suis très touché de vos réactions sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, émission radio. Et rendez-vous le 18 mars où on aura une autre prochaine spéciale collectif L'œuvre de Pierre. On va commencer cette semaine avec Body Counts in the House de Body Count. C'est sur l'album Body Count, leur premier album, sorti le 10 mars 1992. On retrouve Body Count, The Real Problem et Now Sport, un top album. On continuera avec We Are the Damned de Skid Row. C'est sur l'album Rise of the Damnation Army, United World Rebellion Chapter 2, sorti en 2014. On retrouve Catch Your Fall, Zero Day et Rats in the Cellar, un excellent album. Allez, une nouveauté, God the Power, c'est le nouveau Eagles of Death Metal. C'est sur l'album Zipper Down qui est sorti le 2 octobre 2015. On retrouve Complexity, Got a Woman et The Reverend entre autres. On poursuivra avec Psycho Trash de Banane Metallic. C'est sur l'album Sanglante Confession qui a été réédité en 2016. On retrouve Banana Juice, Killer Rage et Dactylo Rock en live. Et on finira ce bloc en live avec One Figure Rave de Lincoln Cuisine Johnson. C'est sur l'album Force of Victory, sorti en 1979. On retrouve It's No Funny, Independent Intervention et Fight Them Back, entre autres. J'adore cet album. Body count, body count. Body count. Yeah, body motherfucker! Body count, body count. Body count, body count. Body count, body count. Body count. Body count, nigga! Come on. Yeah. body count. I'm on the go, and when I go down, so I need more power now. It keeps me damn lucky, yes, it just won't stop. I'm the two-popo, yes, I got the power now. I'm not afraid to die. Walking down the road the other day, when I hear a little youth man say, him say, you know see me situation, me don't have no accommodation, me have to sign on at the station at 6 in the evening. Me say me life got no meaning, I just living without feeling. Still, me have to make a race, cause me come off age and me want to go rave. I was walking down the road another day, when I hear another youth man say, him say, me nah work for no pittance, me nah draw them assistance. Used to run a little rocket, but what? The police them did stop it, and the hard was to have it. Still, me have to make a race, cause me come off age and me want to go rave. Well, I was walking down the road yet another day, when I hear another youth man say, say, me have to pick a pocket, yeah man, take a wallet from my jacket, me have got to do it real crabbit, and if I lock it, me have to pop it, and if I see if me have got to crack it, or bust it with me hatchet, but me have to make a race, cause me come off age, and me want to go rave. Vous êtes toujours sur la 61e Vampire Freak chaque semaine à la même heure et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire Body Count in the House de Body Count, We Are the Damned de Skid Row, le nouveau Eagle of Death Metal, God the Power, Psychotrash de Manon Metallic et on a fini en live avec One Figure Rave de Linton Cozy Johnson. On continuera avec une nouveauté, Seven Seals de Testament. C'est sur l'album Brotherhood of the Snake sorti en 2016. On y retrouve The Paul King, Brotherhood of the Snake et The Number Game, un album qui vaut le détour. On continuera avec Room for One More de Anthrax. C'est sur l'album Sound of White Noise, son sixième album sorti le 17 mai 1993. On retrouve Only, Invisible et This Is Not an Exit. Tiens, un classique. Do You Know What I Mean de Oasis. C'est sur l'album Beyond Now, le troisième album sorti le 21 août 1997, réédité pour ses 20 ans. On retrouve My Big Mouth, Stand By Me et Don't Go Away, un immanquable de la British pop. On poursuivra avec Ragamuffin School de Scaramucci, c'est sur l'album Dancehall President sorti en mai 2016. On retrouve Sound Killer, Higher Than High et Somebody New. Méconnu en France, Scaramucci, à part pour ses featuring avec Dubbing. Et on finira en live avec Belle en crever les yeux de Olivia Ruiz, c'est sur l'album Miss Meteor Live qui est sorti le 31 mai 2010. On retrouve les crêpes aux champignons, Elle panique et la femme chocolat. Elle sort prochainement un album, je me le procurerai des nouvelles très vite. step off the train all alone at dawn, back into the home where I was born. The sun in the sky never raised an eye to me. They put on the tracks and they must be mine. Threw on the hill and I feel fine. Don't look back cause you know what you might see. We'll be right back. And now we have the fun. Make the people them a scream out, Lord, he can't done. And when them see we smile and sweat it all around, love how we dance, so them love have fun. Dash where they bang them, dash where they gun. Put up your hand for this here rising sun. It goes na na na na na na na na na na na. Tell them they ragamuffins in your area. Na na na na na na na na na na na. They call the ragamuffin ramen, the roots ramen, the culture. Present the future. Na na na na na na na na na na na. Prince Scaramucci avec Johnny Soda. DJ Singer comme professeur, mais les lyrics ne sont pas des leçons. Il ressemble à des tests ou analyse de la situation. Les sujets sont divers, donc on propose plusieurs solutions. Tant que le public est à l'aise, on continue l'exposition. Avertis tous les massifs, tous les ports, si l'école réouvre ses portes. Pas de mauvais esprit, si pas besoin d'escorte. Play the music, DJ, on veut l'entendre plus forte. Si tout le monde est ready, n'attends pas qu'elle t'emporte. Ragamuffins in your area. Na na na na na na na na na na na. They call the ragamuffin ramen, the roots ramen, the culture. It goes na na na na na na na na na na na. Put your hand in the air and represent the future. Na na na na na na na na na na na. In space, Scaramucci avec Johnny Soda. Uptown, upstate, them can't concentrate. Tell them stop and wait, for you know we never late. Let me roll with style and them just can't relate. Because them know so we are gonna set things straight. Parce qu'on a des lyrics pour les parties. No disrespect, nobody, but Monday, ah oui, them catty. Attention à ce qu'on dit, bon, les conseils, on réfléchit. Ceux qui connaissent sont avertis, oui, c'est qui nous badassi. I am coming, I tell them we no play. Yannis, I do a Scaramucci DJ. Ragamuffin, now teach me what if I think till now. Show you off, he says strong, show you not go bow. And when we touch the stage, the people, them I say. Them all a jump and a shout out, hip, hip, hooray. We have different style, figure them. Draggy vibe, figure them. Area. Na na na na na na na na na na na. Le col du ragamuffin ramène le roots, ramène le culture. Et bossa na na na na na na na na na na na. Put your hand in the air and represent the future. Na na na na na na na na na na na. Une spéciale Scaramucci avec Johnny Soda. This is a legendary hit. It's on another boom shot, Scaramucci on top of the girl them. Now prospect the high train, Scaramucci a young size, you're the soul. Straight come from West Indies, more than in Africa. And anyway we go, we nice it up. Select all and pull it up. Hey Yanni. Hey Yanni. Hey Yanni. Hey Yanni. The four. Ah boy. And none of them no bad like we. Caresser ta peau blanche, la faire glisser entre mes doigts, de ta nuque jusqu'à tes hanches. Me donne beaucoup, mais ce n'est pas assez. Je ferai pousser. sueur dans mes cheveux. Je me ferai belle à t'en crever les yeux. Vous êtes toujours dans la Vampire Fix numéro 60, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire une nouveauté, Seven Seals, le Nouveau Testament, Room for One More de Anthrax, You Know What I Mean d'Oasis, Ragamuffin School de Scaramucci et Belle en Crever les Yeux en live de Olivia Ruiz. On continuera avec les Bad Manners et Fatman. Donc Fatman, c'est sur l'album Stupidité, leur neuvième album sorti en 2003. On retrouve Happy, Black Knight et I Don't Care, un classique du ska. On poursuivra avec une nouveauté, le nouveau Frustration, Empires of Shame. C'est aussi le titre de cet album sorti le 14 octobre 2016. On retrouve Just Wanna Hide, Cause You Run Away. Et mon titre préféré, Mother Earth in Rags. On continuera ensuite avec un grand classique, Les Vents Passent sont la preuve que Dieu existe, du groupe Les Vents Passent. C'est aussi le titre de leur 10e album, sorti le 19 janvier 2009. On retrouve Universal, Elle est où Maloz, et Nevers était si bleu. On poursuivra ensuite avec Trial and Crosses de Dillinger, c'est sur l'album Dillinger. On sorti dans les années 80. On retrouve African Worldwide, Jar Love et Mind New Dreaming. Un album difficile à trouver maintenant. Et on finira ce bloc en live avec Almost Honest de Megadeth. C'est sur l'album Cryptic Writing, leur 7e album, sorti le 17 juin 1997. On retrouve Trust, Use the Man et A Secret Place, un de mes albums favoris. s'écarter les cuisses. De toute façon, à mesure, ils fermeront les bureaux, comme ils ont déjà fermé toutes les usines. Lève en passant la preuve que Dieu existe. Si ce n'était pas le cas, ce serait trop triste. Lève en passant la preuve que Dieu existe. Si ce n'était pas le cas, ce serait sinistre. Je ne souhaite à personne d'avoir un jour le blues, assis sur les chiottes de l'aéroport de Toulouse. Le souvenir de la Légion qui saute sur Colvézi et la voix des Italiens qui résonne dans ma tête. Lèvons, passons la preuve que Dieu existe. Si ce n'était pas le cas, ce serait trop triste. Lèvons, passons la preuve que Dieu existe. Si ce n'était pas le cas, ce serait sinistre. Que Jacques Brel était un nazi, j'ai un peu de mal à le croire, plus rien ne m'étonne. Marcel mettait du sperme de hibou sur mes tatouages, j'ai un peu le mal ce soir, la mémoire qui sonne. Lève en passant la preuve que Dieu existe. Si ce n'était pas le cas, ce serait trop triste. Lève en passant la preuve que Dieu existe. Si ce n'était pas le cas, ce serait sinistre. Un jour je lui ferai rentrer sa porte dans les boyaux avec le petit livre rouge de Mao. Si ce neuf était toujours là, ça le ferait bien marrer. J'espère pour lui que là-haut, y'a pas la télé. Lève en passant la preuve que Dieu existe. Si ce n'était pas le cas, ce serait trop triste. Lève en passant la preuve que Dieu existe. Si ce n'était pas le cas, ce serait sinistre. Lève en passant la preuve que Dieu existe. Trial and crosses. Man, me say you don't need no glasses. Man, me see me trial and crosses. Say, girl, a long time me call you and you just speak me come. Girl, me never know you would have come. Say, girl, a long time me call you and you just feel me come. Girl, me never know you would have come. Go make me suck your little tongue and make me shoo be dumb. Make me suck your tongue and make me shoo be dumb. But I got to shoo be tongue, I say you got to come and on. Don't need no glasses. Man be see me try around glasses. Say that she take away me bed and then she left me on the floor. Take away me bed and then she left me on the floor. Say that she take away me fish and then she go across the bridge. Take away me chair and then she kneel in fear. Take away me chill because she too unfair. Tell her that a one time or two time. Tell her that she do that again. But once bitten, twice shy. Could I never ever let you do that three time? I would say, cause she a dead girl. Whoa. Brother tell him, brother Levi, I would tell you. So you gotta tell it to them, brother Levi, smart, I would say. Tell them that some of them are bazaars, and them have to go right from the start, and you that never try to break a lover's heart. Oh, oh, that trial and crosses. Oh, see, old trial and crosses. And me say you don't need no glasses. I see me trial and crosses. Long time me call you and you just sweet me come. Girl, me never know you would have come. Me suck your tongue and make me shoo-be done. Make me suck your tongue and make me shoo-be. Say that a long time me call you and you just feel me come. Girl, me never know you would have come. Say that me go up, don't let me come. Vous êtes toujours dans la 61e Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Fat Man de Bad Manners, Empires of Shame et le nouveau Frustration, les Vampas sont la preuve que Dieu existe des Vampas, Trial and Crosses de Dillinger et on a fini en live avec Almost Honest de Megadeth. On poursuivra cette émission avec une nouveauté, Black Spider, c'est le premier titre de l'album, du premier album solo de Arnaud Futur, l'ancien chanteur des Sales Majestés. L'album s'appelle Cannibal, tout ce qui nous dévore, il vient de sortir. Au-dessus on retrouve Big Brother, Garage Band et Serial Killer. Allez faire un tour sur la page Facebook d'Arnaud Futur, je filerai les liens sur la page de l'émission pour contacter, pour trouver l'album, il y aura tout. Je diffuserai ensuite Wish I Was de The Insight, c'est sur l'album Hidden Things sorti en 2015. Et ils ont lancé un crowdfunding pour sortir leur troisième album intitulé The Other Side. N'hésitez pas, participez, allez faire un tour sur la page Facebook de The Insight. On continuera avec un vieux son vinyle, Conquest de White Stripes, c'est sur l'album Icky Thump, leur sixième album sorti le 15 juin 2007. On retrouve You Don't Know What Love Is, Bon Brock et Catch Hell Blues, un autre excellent album. Tiens, on poursuivra avec Annie El Khatib et You Rascal You, c'est sur l'album Will The Gun Come Out, sorti le 23 septembre 2011. On peut entendre Build, Destroy and Rebuild, Fuck It You Win et I Got A Thing. Et ce morceau a été repris notamment pour une pub pour les jeans. Et on finira ce bloc en live avec Vivre Libre ou Mourir des Béruriers Noirs. C'est sur le Concerto pour Détraquer, leur deuxième album sorti en mars 85. On retrouve Petit Agité, Porcherie, Il Tue à Son Petit Frère, fils de un top, top, top album. Bonjour les enfants. Connaissez-vous la légende de Black Spider? Les mots des temps modernes se meurent des traitements. On l'appelle aussi la rivière du 16e, qui en remarque le Black Panther, le grand poulet, le moins grand, le moins grand. Tous pris dans la toile, approchez donc, n'ayez pas peur. Je suis le Black Spider, le justicier des riches et des seigneurs banqueurs. Quand il la haute finance, je suis leur roi, la mamie danse. Tous pris dans la toile, l'argent file de vos mains vers le super vilain. Jamais assez, jamais assez, never enough, never enough. Jamais assez, comme disait Madoff, comme disait Madoff. Jamais assez, jamais assez, never enough, never enough. Jamais assez, comme disait Madoff, comme disait Madoff. À l'aise à Wall Street, Cali District, le flic c'est chic. Diamant, terrain en fer, faussaire si nécessaire, Black Spider c'est tout fait. Je suis l'Alibaba du CAC 40 et ses voleurs. À l'heure du goûter, je distribue les primes en parachute dorée. Jamais assez, jamais assez, never enough, never enough. Jamais assez, comme disait Madoff, comme disait Madoff. Jamais assez, jamais assez, never enough, never enough. Jamais assez, comme disait Madoff, it's never enough. Black Spider. Jamais assez, jamais assez, never enough, never enough. Jamais assez, comme disait Madoff, comme disait Madoff. Jamais assez, never enough, never enough. Jamais assez, comme disait Madoff, it's never enough.

Vous êtes toujours dans la 61e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire Black Spider, le premier titre de Arnaud Futur, Wish I Was de The Insight, Conquest en vinyle de White Stripe, You Rascal You Daniel Khatib et on a fini en live avec Vivre Libre ou Mourir des Berberiers Noirs. On poursuivra avec une autre nouveauté, Damage Control de Suicidal Tendencies. C'est sur l'album World Gone Mad, sorti le 30 septembre 2016. On retrouve The New Generation, Living for Life et World Gone Mad, une excellente nouveauté. On continuera avec Tip of the Iceberg de Black Uhuru, c'est sur l'album Iron Storm sorti en 1991. On retrouve Bloodshed, Dancehall Vibe et Breaking Out, un bon vieux reggae qui vieillit bien. On continuera avec une nouvelle nouveauté, Violent Sleep of Reason, le nouveau Meshuga, c'est aussi le titre de ce 8e album, Violent Sleep of Reason. Il est sorti le 7 octobre dernier, on retrouve Clockwork, Monstro City et Ivory Tower. On poursuivra avec un petit reggae, Nella Strada de Talco, c'est sur l'album Silent Town, sorti le 6 novembre 2015. On retrouve Il Tempo, Sombra et Intermondo. L'album précédent, Run, était bien meilleur quand même. Et on finira ce bloc en live avec Thousandfold de LUVC. C'est sur l'album Everything Remains in the Never Was, It Never Was, leur quatrième album, sorti le 19 février 2010. On retrouve Otherworld, Thousandfold et Kingdom Come Undone, un super album de metal celtique. Yeah. that you'll be proud. Cause you left me with no strength and a whole lot of doubt. Charlie, you might. let people win. Vanity, desire, show them what is good, show them what is true. Give me the answer. The law of man designed a future. Give me the answer. It says so.

On vient de s'écouter Damage Control, le nouveau Suicidal Tendencies, Tip of the Iceberg de Black Uhuru, Violent Sleep of Reason, le nouveau Meshuga, Nella Strada de Talco et Thousandfold en live de Lady VC. J'ai oublié, je la dédicace à mon ami Will qui est présentateur du PMR. Et voilà. Et cette 61e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu. On finira avec Drag the Water de Pantera. C'est sur l'album de Grace Southern Tranquil, sorti en 1996. On retrouve War Nerve, Lively Through Me et Flood. Il a été réédité pour ses 20 ans en version 3 CD. Donc, à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Salut à toutes et tous, la tribu!